Cours numéro 33. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. فماذا أخذنا في درسنا الأخير؟ تفضل. أخذنا بابا على ما جاء في فيما يحكم في من يحكم بغير الله. نعم، باب في من يحكم بغير ما أنزل الله عز وجل. أي celui qui juge par autre que les lois d'Allah سبحانه وتعالى. والعلماء فصلوا في هذا الباب فماذا قالوا أي العلماء ils ont détaillé الحكم أي celui qui juge par autre que les lois d'Allah سبحانه وتعالى تفضل ويعتقد أنه أفضل فهو كافر نعم هذا الشرك أكبر إذا اعتقد أن حكم غير الله سبحانه وتعالى il est mieux, il est أفضل أي les lois des hommes autres que les lois d'Allah سبحانه وتعالى elles sont mieux que les lois d'Allah فهذا شرك أكبر لا شك لماذا؟ لأنه il fait passer les lois des êtres humains avant les lois d'Allah بل il dit que c'est mieux زيد ويعتقد أعد ويعتقد ماذا؟ أنه حكم الله عز وجل فنفسه في نفس الدرجات نعم نفسه يعتقد أن حكم الله عز وجل وحكم غيره سواء أي لا cette croyance أنها c'est la même chose de juger par autre que les lois d'Allah ou juger par les lois d'Allah c'est pareil فهذا كفر والشرك أكبر لماذا؟ لأن mettre égal les lois des êtres humains avec les lois d'Allah سبحانه وتعالى هذا لا شك أنه كفر بالله عز وجل troisième cas عندك كذلك من قال الحكم الحكم بغير ما أنزل الله نعم جائز هذا كذلك كفر أكبر celui qui prétend أن c'est permis لماذا c'est du كفر أكبر تفضل أحسن تحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى بالإجماع c'est rendre licite une chose que Allah subhanahu wa ta'ala il a interdite. Ma dalil anna juger par autre que les lois d'Allah c'est interdit. Ahsant, wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Allah subhanahu wa ta'ala il a démontré par hadith al-aya anna juger par autre que les lois d'Allah c'est du kufr. La shak annahu c'est haram. Al-kufr c'est haram. Et taqaddam ma'ana plusieurs cas أنه سجُّ كفر أكبر. dans un cas سجُّ كفر أصغر. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كفر دون كفر. مدى؟ من يحكم بغير ما أنزل الله ولكن يعتقد أن حكم الله أفضل على كل حكم. نعم أحسنت يعتقد أن حكم الله عز وجل أفضل وأحسن وأصلح. إلى cette conviction, cette croyance, أن les lois d'Allah elles sont meilleures. Et c'est obligé de juger avec ces lois d'Allah. سبحانه وتعالى. لكن تفضل. لكن يحكم بالهوى أو غيره. نعم. لكن يحكم بغير ما أنزل الله. En sachant qu'il est مقصر, qu'il fait un péché, qu'il n'a pas le droit. لكن les passions. Ou pour de l'argent, ou pour satisfaire Foulan minan nas, ayyadam billah. Fahada, c'est du kufr asghar. Wa hada tafsil taqaddam ma'ana kathiran. Ces quatre cas, on les a vus dans beaucoup de durus. Et c'est très très important. حتى الإنسان comprend كلام أهل العلم في هذا. أولا التكفير c'est pas pour tout le monde. خاصة تكفير الحكام. Même si un حاكم c'est un كافر, c'est pas à n'importe qui de montrer son كفر. خاصة إذا انتسب إلى الإسلام. خاصة si il se prétend مسلم. Si العلماء montrent son كفر, هذا c'est واضح, bien sûr, avec des preuves. وإلا c'est pas tout le monde qui doit parler في هذا الباب. C'est pour ça que connaître مثل هذا التفصيل c'est très très important pour le مسلم. لأن البعض ils n'ont pas compris هذا التفصيل ويطعنون في أهل العلم. Ils ne comprennent pas pourquoi tel savant ne rend pas kafir tel gouverneur. وهؤلاء المساكين ils n'ont pas compris أن العلماء لا يحكمون بالهوى. لأن البعض في الحقيقة ils accusent أن les gouverneurs ils jugent par autre que les lois d'Allah et ils suivent leur passion. Et هؤلاء qui accusent كثير منهم كذلك ils suivent le هوى. لأن التكفير c'est un حكم شرعي لا بد من نص من دليل من كتاب أو سنة qui montre son كفر. Et pourquoi c'est un كافر, c'est quoi la chose qui le fait sortir de l'islam. Et si c'est تكفير معين et rendre كافر une personne, فلا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع, comme on a expliqué souvent, il y a des conditions, des choses qui empêchent كذلك telle personne de sortir de l'islam même s'il a fait du كفر. مثلا الignorance, مثلا أكره على ذلك. فالمهم أن هذا الباب التكفير, et on a détaillé beaucoup de fois avec nos frères ولله الحمد أن الباب il est très très important et il est خطير. من قال لأخيه يا كافر فقد بأى بها أحدهما, هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. Et tout ça on l'a détaillé ولله الحمد dans le درس précédent. على كل حال هذا الباب il est مهم. Et dans tous les cas, ça fait du mal au tawhid. Les quatre cas. Lakin les trois premiers, ay al-kufr al-akbar, ça annule le tawhid bil-kulliya. Ay sahibuhu, c'est plus un musulman, c'est plus un mu'min. Et le quatrième cas, ça fait descendre l'iman. C'est un très grand péché de juger par autre que les lois d'Allah, même s'il reconnaît annahu c'est haram ila akhri. Lakin le quatrième cas, ça fait pas sortir de l'islam. لكن سديمينو الإيمان سافيدو مالو توحيد دو سو مسلم. فلهذا شيخ الإسلام إلى سيتي هذا الباب هنا. تفضل تقرأ باب اليوم. قال المؤلف رحمه الله باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص مناسبة الباب لكتاب التوحيد لما كان التوحيد ثلاثة أقسام, وهذا تقدم معنا أن التوحيد العلماء ils ont cité trois catégories. قال توحيد الربوبية ما هو؟ توحيد في جميع أقوال وأفعال. نعم, توحيد الله سبحانه وتعالى في أفعاله, أي أنفي الله سبحانه وتعالى أنه سلوي الخالق وحده, سلوي الرازق وحده, سلوي المحيي وحده, المميت وحده, لا شريك له. دونك هذا توحيد الربوبية, أي on a la conviction أن الله c'est الرب, c'est lui qui crée ce qu'il veut, c'est lui qui guide qui il veut, il est akhir. Thaniyan tawhid al-uluhiyya ma hu? Tafaddal. Ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibada. Unifier Allah subhanahu wa ta'ala fil ibada. Et personne ne mérite d'être adoré sauf Allah azza wa jal. Wa hadha dhalla fihi al-mushrikun. Mushrikun, ils adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, fa ils contredisent hadha tawhid. Même si البعض منهم يغكونس توحيد الربوبية أن الله الخالق, ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله, فهذا لا لا لا ينفعهم عند الله سبحانه وتعالى. فلا بد reconnaître Allah que c'est lui le créateur et que ذلك de l'adorer seul Azza wa Jal. هذا معنى لا إله إلا الله. أي personne ne mérite d'être adoré sauf Allah Jalla wa Ala. الثالث توحيد الأسماء والصفات. Et c'est le sujet d'aujourd'hui de notre bab. قال الشيخ الفوزان وكان الإيمان بالله لا يحصل إلا بتحقيق هذه الثلاثة. لا بد من هذه الثلاث. أما واحد كي عيادا بالله كي n'adore pas Allah seul, c'est pas un mu'min. واحد كي رجت لنود الله سبحانه وتعالى ses attributs et الصفات, c'est pas un mu'min. Et كذلك celui qui rejette توحيد الربوبية, c'est pas un mu'min. فلا بد من هذه الثلاث. قال نبه المصنف في هذا الباب على هذا النوع ليبين حكم من جحده. أما كثير من الأبواب السابقة بل تولي أبواب السابقة ستسر توحيد الألوهية توحيد العبادة. الشيخ الإسلام إلى ست عبادة الدعاء والاستعانة والذبح والتوكل والخوف والرجاء بكد عبادة في هذا الباب رحمه الله إلى ست الأسماء والصفات. باب من جحد أي ما حكمه من جحد شيئا من الأسماء والصفات. شيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد إلى ستة تفصيل طيب مختصر وسهل أي sur le jugement de celui qui يجحد. والجحد كذلك يقال الجحود c'est الإنكار c'est rejeter, nier. Vous connaissez le mot تعطيل le mot رد. Ça ressemble هنا, c'est la même معنى. فالجحود أو الجحد c'est الإنكار. Et rejeter, ne pas croire en tel nom ou tel attribut. وهذا الباب, on précise avant de lire هذا التفصيل المختصر, هذا الباب في الحقيقة c'est un باب qui est très très important. La chaque qui est détaillé, traité في كتب الاعتقاد كاللمعة أو الاقتصاد للإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه, كذلك الواسطية والطحاوية لشيخ الإسلام تيمية وللإمام الطحاوي عليهم رحمة الله. مهم نحن هنا سان بغيف أبيرسو pour comprendre الحكم فقط, وإلا هذه المسائل الدومون دي ديتاي دي دروس إلى آخره. وتقدمت معنا دي دروس في هذا, ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق pour continuer دي دروس في هذا الباب. قال الأول أي et démontre هنا أن الإنكار لعلى نوعين. قال والإنكار نوعان. Donc الإنكار c'est comme le juhud, c'est comme le ta'til, c'est comme le rad. Tu as quatre mots, ils se ressemblent. Le fait de rejeter, de ne pas croire. الإنكار نوعان. أي le fait de rejeter deux catégories. أي في الأسماء والصفات. إنكار تكذيب. عيادا بالله. إنكار تكذيب. أي إسي. أن هذا الاسم اسم من أسماء الله. يسيك أن دليل في هذا لكن يكذب. هذا لا شك سيدي كفر. قال وهذا كفر بلا شك. فلو أن أحدا أنكر اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته الثابتة في الكتاب والسنة مع أنه يسيك سباني نغا كذلك لا تشبه كما سيأتي في النوع الثاني. Il rejette parce que c'est un nom, parce que c'est un attribut qui est cité dans le Coran et le Sunnah. Comme a dit le Wa'adou Salaf, il rejette un harf dans le Coran. Alors qu'il sait que ce harf fait partie du Coran, c'est min kalam Allah Azza wa Jal, c'est un kafir, la shakabi. Que dire celui qui rejette un nom et un attribut d'Allah Azza wa Jal? Il فهو كافر بإجماع المسلمين لأنه تكذيب خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كفر مخرج عن الملة بالإجماع. كفر التكذيب تقدم معنا هذا في الواجبات المتحتمات. On avait cité les différentes catégories de كفر. هذا بإجماع المسلمين أنه سيدي الكفر أي rejeter, ne pas croire en un nom ou un attribut d'Allah سبحانه وتعالى. تكذيب خبر الله كذلك ça englobe autre que les noms et les attributs d'Allah سبحانه وتعالى. On a dit une lettre du Coran. مثلا واحد il ne croit pas en مشروعية الصلاة, يقول أن هذه الصلاة ça existe pas مع أنها les cités في القرآن. Et جميع المسلمين يؤمنون بهذه الصلاة وهو يدل لا هذا لا شك سان كفر وهكذا الحج وهكذا الصيام هذا يكذب أي إنك خطأ إدم عيدا بالله إني لا فيغاسيتي أو أن تل شوز سيليجيفيري هذا سيكفر سي البخومي قسم دونك من جحد شيئا من الأسماء والصفات سي رجت أن ومن أتخبو أو بلزيور نوم بلزيور أتخبو أو تولي نوم تولي أتخبو من هذا الباب أي التكذيب والجحود il ne veut pas croire هذا لا شك سان كافر لماذا لأنه il va rejeter beaucoup de noms et attributs qui sont cités في القرآن combien de versets الله سبحانه وتعالى cite ces noms et ces attributs وهو العزيز الحكيم وهو السميع البصير إلى آخر كم beaucoup في القرآن لا شك في كفره هذا ثانيا إنكار تأويل et rejette لكن pas من باب التكذيب il a une شبهة فيؤول أي va interpréter la صفة et في الحقيقة il va pas croire en la صفة ولا يثبتها لكن ce qui va l'empêcher c'est un تأويل فاسد قال شيخ ابن عثيمين وهو أن لا ينكرها ولكن نعم لا ينكرها ولكن يتأولها إلى معنى يخالف ظاهرها وهذا نوعا هذا يغجد با l'attribut parce que c'est un attribut d'Allah parce qu'il est cité dans le Coran là il va dire maintenant n'am Allah subhanahu wa ta'ala il a dit il a des mains لكن les mains c'est بمعنى كذا وكذا هذا لا يكفر لماذا لانه الى شبهه et son inkar c'est من باب التاويل والتحريف قال donc deux cas pour celui-là vous allez voir qu'il y a le premier cas انه التاويل الى سائغ il y a un وجه في اللغه Le deuxième cas, il n'y a aucun wajh, on verra qu'il y a un autre hukm. Qala awulan, donc le premier cas d'inkar al-ta'wil, an yakun li ta'wil musawwir vil lughati al-arabiyya, fahada la yujibu al-kufr. Ay, cette sifa, dans la langue arabe, elle peut être, la sifa, elle n'est pas interprétée, mathalan, la main, c'est la main d'Allah, lakin la main, al-yad fil lughati al-arab, ta'ti bima'na, mathalan, al-quwa. Fafi hada al-haq, العلماء لا يكفرونها لأنه يسكخش une chose il n'a pas comprise et أول أو حرف هذا c'est pas du كفر لكن c'est من الضلال et si c'est un جاهل يعلم دوزيام قال أن يكون له نعم أن لا يكون له مصوغ في اللغة العرب هذا حكمه كفر لأنه إذا لم يكن له مصوغ صار في تحقيقه أو في الحقيقة تكذيبا أي رسيت مثال pour t'éclaircir هذا قال فلو قال في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان صفة اليدين الله سبحانه وتعالى إلى الدم le verset il est clair بل يداه أي لماذا الله سبحانه وتعالى مبسوطتان المراد بيديه si واحد يدي شو من عتيمين سيدان اكزام المراد باليد أي l'explique les mains السماوات والأرض عيدا بالله فهذا قال فهذا كافر سيدي كفر لماذا لأن هذا يلعب بالنصوص يجوا بك للتكس الآن يليو للي entre deux mains les cieux et la terre هذا في الحقيقة يلعب بالنصوص son inkar أي le fait de ne pas croire aux mains il a aucune شبهة فهذا في الحقيقة c'est من باب التكذيب فسان كافر لكن deuxième cas قال فلو قال المراد باليد النعمة لا يكفر سيدي مثلا بل يداه مبسوطتان أي المراد le sens des deux mains هنا c'est النعمة أي الله سبحانه وتعالى il a beaucoup de bienfaits il donne à qui il veut هذا ينوجه في اللغة لماذا قال لأن اليد في اللغة تطلق بمعنى النعمة أحيانا العرب يديز فلان له يد مثلا أي نعمة إلى النعمة sur un tel هذا سأغيب en langue arabe لكن في الصفة في صفة اليدين أبدا السلف ils ont expliqué les deux mains par النعمة فcelui qui explique les deux mains par النعمة en s'appuyant sur la langue arabe il s'est égaré لماذا لأنه contredit la voix des سلف لكن c'est pas du كفر لماذا لأنه il a une شبهة cette شبهة elle empêche le حكم d'être appliqué sur lui أنه c'est un كفر ça nous montre l'importance de comprendre هذا الباب أن ليس كل من أنكر شيئا أو وقع في كفر أنه سيكافر. سيا مانع مثل هنا التأويل السائغ بيان سور التأويل السائغ أي سي اون اكسبليكاسيون أن وجه. أما واحد مثلا عياذا بالله ليكسبليك الحج باغ زيارة الأضرحة والأفعال الشركية إلى آخره كما يفعل الباطنية هذا سي لا شك أنه سي كفر أكبر. اكسبليك الحج باغ الشرك أي فيزيتي لي تومب فيغ طواف عياذا بالله وتوغ دي تومب alors que le hajj c'est ila bayt Allah al haram hada c'est du shirk wa du kufr lakin ta'wil sa'ir mithla huna al yad bi al ni'ma hada al ulama la yukaffirun sahibahu intaha min al qawl al mufid ala kulli hal pour simplifier an al inkar li ala naw'ain inkar takdhib c'est du kufr billah azza wa jalla ay rejet al sifa limada. Pourquoi il la rejette? Iyadam billah, à cause du kufr qu'il y a dans son cœur. Il n'a pas de choubha. Le verset, il est clair. Mathalan al-Jahmiya. Al-Jahmiya, c'est des kuffars. Kaffarahum al-Salaf. Il renie tous les noms et tous les attributs. Limada. Haoula, c'est des kafars. Wa hunaki un autre sirf, inkar ta'wil yunkirun, lakin ils ont des choubha. Mathalan al-Asha'ira yunkirun. Wa'ad al-Sifat, limada, li'annahum ils ont des ta'wilat. حقيقة سيدي التحريف إذن دي الشبه celui qui a une شبه فالعلماء لا يكفرون et on rentrera pas dans les détails. هذا سفي كتب الاعتقاد أي التوسع أي في القول في الجهمية في المعتزلة في الأشاعرة سيكوا كيزن رجوتي كذلك شبه الأشاعرة en détail tout ça سفي باب الصفات. على كل حال من جحد شيئا من الأسماء والصفات فلا شك أن في توحيده خلل. son توحيد peut être annulé complètement كحال الجهمية الزنادقة أنهم ils ont rejeté tous les noms et les attributs أو s'il a une شبهة كبعض الناس ils ont des شبهة في هذا et العلماء لا يكفرونهم لكن لا شك أن ça fait du mal à leur توحيد à leur إيمان il est ضعيف et c'est des égarés par rapport à leur égarement fi al-asma wa al-sifat. ثم قال وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن. قال العلامة الشيخ الفوزان حفظه الله أن جحود شيء من أسماء الله وصفاته كفر على التفصيل bien sûr السابق للتفصيل qu'on a lu ensemble من كلام الشيخ ابن عثيمين. لا شك أن هذا الإغارمون لكن هل هذا الإغارمون يخرج من الإسلام أم لا فكما تقدم. قال وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. علي رضي الله عنه الصحابي الجليل قال حدث الناس أي parler avec les gens بما يعرفون avec des choses qu'ils comprennent. لماذا؟ Si tu parles avec une personne et avec des choses qu'il ne comprend pas, qu'il ne sont pas à son niveau, farubama il va kadhab. Pas parce qu'il déteste la chose. Là, il n'a pas compris. Ou c'est mal expliqué. Ou cette chose, il n'a pas les capacités pour la comprendre. Farubama il la rejette. Et hada, ça arrive kathiran. Fali hada, Ali radiyallahu anhu, wa ulama sunnah, en se basant sur hada l'athar, ils mettent en garde contre هذا, de parler avec des gens avec des choses qu'ils ne comprennent pas. لكن السؤال الآن pourquoi شيخ الإسلام il a cité هذا هنا في هذا الباب. قال الشيخ صالح للشيخ حفظه الله تعالى في التمهيد المناسبة أن من أسباب جحد الأسماء والصفات أن يحدث الناس بما لا يعرفون يحدث المرء الناس بما لا يعقلونه من الأسماء والصفات. أي شيخ الإسلام إلى سيتي قول علي رضي الله عنه pour démontrer une cause. Pourquoi ربما بعض الناس ils acceptent pas telle chose. لماذا لأن celui qui leur montre il leur montre pas correctement. Il parle avec un calame qu'ils ne maîtrisent pas et qu'ils n'arrivent pas à comprendre. ربما ils rejettent pas parce que c'est la vérité. Là ils rejettent لأن c'est mal expliqué. لهذا الإنسان يحذر خاصة في هذا الباب المهم خاصة في باب التوحيد باب العقيدة باب أركان الإيمان تسكيلي وغيب تسكيلي ونو وأطخب إذا الله عز وجل الإنسان يحذر أن يتكلم بكلام مناسب en citant des أدلة et كلام سامبل et si c'est des عوام en face de lui لا شك أنه il s'adapte et كذلك إساسي une فائدة عظيمة pour طالب العلم أنه يسي با tout ce qu'il sait. Ça c'est من الخطأ. بل c'est un باب ouvert à الرياء. بعض الناس ربما تعلم مسألة il a appris une chose et il veut la citer. حتى أحيانا البعض يسي des choses وعوام et ces عوام في الحقيقة ils n'ont pas les capacités de comprendre. Ils n'ont pas la capacité. Les malades, ce n'est pas des talabat l'ilm. Ils n'ont pas l'habitude de ce genre de mazaïl. Wahoua, il a appris cette chose et il leur cite. Et ça leur met des doutes. Hada, ce n'est pas min al-ilm. Ce n'est pas min al-hikma. Hada, c'est min al-jahl. Falihada, l'ulama, ils insistent beaucoup. En l'insan, ils ne citent pas tout ce qu'il sait. Maintenant, tes parents, est-ce que tu vas leur dire tout ce que tu as appris, tout ce que tu sais? Ba'd al-umur, ça demande du temps. C'est khas pour talabat al-ilm, il y a des tafasils. Là, tes parents, mazalan, tu veux leur montrer que telle chose, elle est haram. Mazalan, sur les noms et les attributs. Tu vas résumer. Anna, il faut croire aux noms et attributs que c'était dans le Coran ou le Sunnah. C'est très grave de les rejeter avec deux, trois dalils. Vous voyez que si elle m'a rentré fait tafasil et ma'ahoum, ça va leur mettre des doutes. Et il n'y a aucune faïda. Falihada qala Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. يجب على الواعظ والمذكر أن يذكر الناس بالألفاظ التي يعرفونها والأساليب التي يعقلونها حتى يستفيدوا وينتفعوا. Ça c'est الواعظ, celui qui fait le waz, celui qui fait des rappels. Ça c'est الطالب المدرس qui a de la حكمة. Il va s'adapter aux personnes qui sont en face de lui. Si c'est des débutants, il va simplifier son kalam et il ne va pas tout citer. Si c'est des talabat ilm, ils ont un certain niveau et il a choisi un kitab pour détailler plus, il va détailler plus. Amma tout mélanger, parler avec un talib ilm qui il a des années d'études et il a compris beaucoup de choses, et parler de la même façon avec un ami miskin qui ne connaît pas grand chose, ce n'est pas min al-hikma. Falihada al-ulama. Et tu le vois beaucoup, hada fi khutab al-jumu'a. Il cite un sujet et il n'est pas détaillé. Il est traité en quelques minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Et il cite des rappels avec des masa'il clairs, sans rentrer dans le khilaf, sans rentrer dans des choses. Rabbama kathirun min al-nas, ils comprendront pas. Limada? Li anna khutbat al-jumu'a, tout le monde assiste. Min al-muslimin, walillahi alhamd. Les enfants, les jeunes, des femmes, des hommes, des awam, des talaba. Bah, tu trouves, Rabbama, alim min al-ulama, il peut traiter le sujet des heures. Lakin, vu que c'est le khutbah, et il sait qu'en face de lui, kathirun min al-nas, ils n'ont pas les capacités pour comprendre, tu trouves, anna hada al-alim, il simplifie jiddan. Ou tu trouves ce même savant, peut-être que al-jumu'ah, le soir, il endorse ma'a talabat al-ilm dans un kitab qui est assez approfondi, détaillé, et il fassil. يفصل في الحديث في العلل في الأحكام في التفاصيل في الردود. Pourquoi? لأنه en face de lui il y a des frères ولله الحمد qui ont la capacité. C'est des étudiants في العلم. هذا c'est مهم. قال الشيخ بن باز رحمه الله لأنك إذا حدثت قوما بما لا يفهمون قد يصدقونك على غير ما أردت. أحيانا صحيح ils vont pas te rejeter, ils vont vouloir accepter ton kalam, ils vont l'accepter, mais ils ne vont pas comprendre. Enfin, ils vont accepter, mais pas le haq. Ils sont ignorants, ils vont mal comprendre ton kalam, ils vont dire, sahih, Fulani nous a dit kada. Alors que Anta, t'as pas voulu dire kada. Le problème, il vient d'où? Le problème, il vient de l'explication. Les muslimoun, les mu'minoun, les awam, ils ont une bonne intention, ils veulent le dire. Mais ils n'ont pas compris. Ils simplifient, jiddan. Khas, c'est à notre époque. أن كثيرا من الناس يسون écartés du ilm et ils donnent pas de temps au dourous, à la langue arabe, ils donnent pas de temps à la lecture, à l'écoute des savants. Et tu trouves Rabbama une masala très très simple, il faut encore la simplifier pour qu'ils comprennent. هذا c'est très important. قال وقد يفهمون غير قصدك سواء في اسماء الله وصفاته واحكامه. Que ça soit dans les noms et les attributs ou que ça soit dans les ahkam. Mathalan, tu leur expliques le salat. Est-ce que tu as besoin de détailler toutes les masa'il? Là, entre talabat ilm, on fait de durous, ahyanan, et on détaille. Il y a khilaf dans telle masa'la, fulan il a dit, tel hadith il est da'if. Pour que at-talib, bien sûr, il progresse fil ilm, il arrive à comprendre kutub ahl al-ilm, et il sait pourquoi tel avis passe avant tel avis. Amma, mathalan, si on ferait de durous que pour l'awam, Est-ce qu'on va lui détailler Al-Khilaf, Fulan il a dit fait salat? Abadan. L'essentiel c'est qu'il sache faire en salat comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait. Sallu kama ra'aytumuni usalli. On va lui dire fit takbir, tu lèves les mains. Thumma tu dis Allahu Akbar. Thumma tu dis tel dua. Thumma tu récites le Fatiha. Est-ce qu'on va rentrer dans les temps faciles? Anna ba'douhum ils ont dit les mains tu les lèves là. Ba'douhum ils ont dit là. Ba'douhum ils... Abadan. Il n'y a aucune utilité. Limadha li anna hadha al-ammi. Ça va lui poser des problèmes. Il ne va pas comprendre. كيف لا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إيه ونحن لا نتفق ما يفهمون فلهذا تلسيت القول الراجح وكفى أحيانا تدتاي لماذا لأن باطل سيبخوباجي عند العوام مثلا يبونس كتل شوز سيبان سنة أنت الآن تدتاي قليلا مثلا فير الصلاة لبغال لون دو كور بعض العوام يبونس كتل سنة يديس كتل قول الإمام مالك أو تل إمام رحمهم الله. أنت بهذا الحال لا بس تبى تدتايي قليلا pour leur démontrer. لماذا؟ لأنهم يزون شبه هذا الباب وإلا فتُ leur simplifie. Tu leur simplifie. فلهذا pour العوام l'étude du petit livret de le مختصر de صفة الصلاة de Cheikh الألباني il est جميل جدا. Pas celui qu'on a étudié مرة مع بعض الإخوان. لا encore un مختصر لأن صفة الصلاة il y en a trois. Il y a الأصل. Il a été imprimé en trois volumes. Thumma, il y a le deuxième. C'est celui qui est connu, qui a été traduit. Il a akhiri. C'est le résumé des trois volumes. Hada, il est taillé pour être enseigné. Khasatan aux étudiants. Et le troisième, c'est le résumé du résumé. Hada, il est très très simple. Cheikh Al-Albani, la yatawassa' fi riwayat, il a akhiri. Il cite faqat, il faut lever les mains. Il faut réciter le Fatiha. Et ahyanan, il cite un hadith ou un shahid. Hada, c'est taillé. Pourquoi Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a fait ses efforts fi hada al-bab? Lianna as-salat, c'est un rukn azim, c'est très très important. Et il a écrit l'asl, limadha? Pour détailler, pour l'ulama, pour talabat al-ilm, il a akhiri. Thumma, il a fait l'ikhtisar, lianna rubama, les trois volumes, c'est trop long pour certains. Thumma, il a fait le résumé du résumé, lianna, il sait que al-awam, ils ont besoin d'apprendre salat. Et ils n'auront pas la capacité de comprendre les trois volumes. Ou ils auront du mal à comprendre le résumé des trois volumes. Il a résumé le résumé pour simplifier. Et il a été imprimé dans un petit livre. Obama, tu l'enseignes à des membres de ta famille, aux gens de ton masjid. Obama, en une semaine, en 10 jours. Nima. Et tu simplifies. C'est ça le hikma. Tambihun, intaha kalam Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, min sharhih. Tambihun, qala Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, fil qawl al mubid. فإن قيل هل ندع الحديث بما لا تبلغه عقول الناس وإن كانوا محتجين لذلك أي في حاجة أجيب لا ندعه. Est-ce que ça veut dire qu'on va délaisser, مثلا on va pas expliquer aux awam, aux gens de la masse, aux débutants التوحيد, on va pas leur expliquer les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va pas leur expliquer les groupes égarés. Ça veut pas dire هذا أبدا. قال شيخ العثيمين لا ندعو وندلس با ولكن نحدثهم بطريق تبلغهم عقولهم أي شيئا فشيئا. C'est ce qu'on a détaillé ensemble كثيرا التدرج في طلب العلم. التدرج on avait expliqué أن c'est pour l'étudiant et c'est pour كذلك l'enseignant. On avait expliqué avant هذا dans les risalas qu'on a vu ensemble de Cheikh Saadi رحمه الله. L'étudiant il doit apprendre l'ilm pas à pas, petit à petit. Kedalik l'enseignant, il doit enseigner petit à petit. Falihada, maintenant, si on prend Bab al-Asma' wa al-Sifat, tu as plusieurs livres. Si tu veux expliquer Hadha al-Bab aux débutants, et Robama dans la 6, dans un majid, il y a des awam, tu vas choisir un livre très très simple. Mathalan, Al-Iqtisad ou Fil-I'tiqad, de l'imam Abd al-Ghani al-Maqdisi, c'est une risala jamila jiddan. Très très simple. Il cite une sifa, مثلا صفة اليدين, et il cite un dalil min al-Qur'an, un dalil min al-Sunnah, avec l'ijma' wa kafa. Très très simple. Tu vas éduquer les gens avec cette risala. Ils vont comprendre des choses. Thumma, s'ils ont compris, khasatan, celui qui veut avancer dans l'ilm, en général, il va, si tu vois qu'il est régulier, et il veut apprendre, peut-être que tu vas enseigner un deuxième livre. Al-Wasatiyya, li Cheikh al-Islam. Al-Matn, très très simple. Une sifa avec une ayah min al-Qur'an al-Karim ou un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa-hakadha. Est-ce que c'est min al-Hikma dans les premières assises, tu cites On ne parle même pas d'enseigner le livre. Le livre, il est compliqué. حتى على بعض طلبات العلم. التدموري يا شيخ الإسلام. رحمه الله. يرد فيه على الفلاسفة. على الملاحدة. على الجهمية. على الباطنية. Des شبه عيادا بالله في الأسماء والصفات. لو العامي لانطن هذا ربما il va mal comprendre. Il va très très mal comprendre et ça lui fera du mal à sa foi. فهذا لا يجوز. حتى le débutant في الطلب. Il n'y a aucune فائدة. أنه il assiste à un cours في التدمورية. On parle l'asl de Cheikh l'Islam. C'est compliqué, dites. Wallahi, hatta ala ba'd talabat al-ilm, c'est compliqué. Ça demande du temps et ça demande un certain niveau d'avoir compris beaucoup de choses avant. Thumma bi idnillahi azza wa jal, il comprendra. Le fiqh, c'est la même chose. C'est pas min al-hikma. On veut apprendre mathalan à des awam comment faire salat et on lit kitab al-salat min al-mughni, l'ibn Qudama, rahimahullah. الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه سائما إمام في المذهب الحنبلي سائما إمام في الفقه وسون كتاب المغني سي اون ريفيرونس في الفقه لكن dans ce كتاب يذكر الخلاف ويتوسع que ce soit الخلاف de الحنابلة أو des autres imams et يرجح يسد des مسائل وانتقادات أولا ça va être long et à la fin العامي il va pas comprendre il va retenir une chose أن في الصلاة il y a beaucoup de خلاف et il saura plus comment faire. Hada, c'est pas min al-hikma. Ça nous montre, hada, anna, c'est pas chaque ilm qui est pour tout le monde. Abadan. Wallah al-musta'an. Qala, rahimahullah, wa rawa Abdul Razzaq, an Ma'mar, an ibn Tawus, an Abi, an ibn Abbas, annahu ra'a rajulan, intafada, ay, irta'ada. Lama sami'a hadithan, an il-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fi s-sifat. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته استنكارا لذلك فقال ما فرق هؤلاء ما فرق أي خوف تابعين دل خوف أي كي سيكي أفي بيغ هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى بعدما ذكر المؤلف أثر علي رضي الله عنه الذي يدل على أنه لا ينبغي تحديث الناس بما لا يعرفون ذكر هذا الأثر الذي يدل على أن نصوص الصفات ليست مما ينهى عن التحديث به c'est ça le tambih que Cheikh Al-Uthaymeen رحمه الله عليه il a fait dans son kitab dans ses durus أنه ça ne veut pas dire qu'on n'enseigne pas هذا الباب la preuve c'est que Ibn Abbas رضي الله عنه il a rapporté أن رجلا Quand il a entendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam citer un hadith pour sifat, ça montre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il propageait hada. Hada, ça c'est important. Et pour montrer que le athar de Ali, radiallahu anhu, ça ne veut pas dire qu'on ne montre pas aux gens. Là, lakin on montre bi hikma, kama taqaddam. Qala, rahimahullah, walamma sami'at Quraishun Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yadhkuru ar-Rahman ankaru dhalik fa anzalallahu fihim wa hum yakfuruna bil-Rahman. أما السبب النزول إلى ضعيف أي que ce verset il a été révélé لأن بعض قريش أنكروا اسم الرحمن هذا ضعيف لكن في الحاشية قال ثبت عن أنس رضي الله عنه أن قريشا صالح النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سهيل بن عمرو فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه اكتب بسم الله الرحمن الرحيم أي النبي صلى الله عليه وسلم مرة il a fait un صلح un traité de paix avec Quraysh et ils ont noté هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم il a dit à Ali اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل أما بسم الله فما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم أي il a rejeté هذا صحيح في صحيح مسلم أما السبب النزول فهذا فيه ضعف على كل حال c'est واضح pourquoi شيخ الإسلام il a cité le verset وهم يكفرون بالرحمن قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى المناسبة أن أول من جحد الأسماء والصفات هم المشركون أي نعم ça montre أن rejeter les noms et les attributs ou un nom ou un attribut d'Allah سبحانه وتعالى c'est من طريقة المشركين عياذا بالله قال فيكونون أئمة الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم وبئس الأئمة والقدوة الحقيقة هذا سنمونتخنا لزيكزمب دو المعتزلة والجهمية wa al-ash'a'ira, et tous ceux qui ont rejeté des noms ils attribuent aux certains, fal haqiqa ta'atharu bi ha'ula ta'atharu, et celui qui délaisse le Coran ou le Sunna par rapport à son délaissement, il délaissera les noms et les attributs. Aliyada, tu trouves le Jahmiya, ta'atharu bi ilm al-kalam wal malahida wal zanadiqa, ils ont délaissé complètement yadam billah, c'est des kuffars. Al-mu'tazila ta'atharu kadhalik bi ahl al-kalam bi ilm al-kalam, et ils se sont égarés. Al-ash'ira kadhalik, ils ont eu un naqs fi al-ittiba' fi al-istislam de ces ayat, ils ont déformé. Pourtant, ils voulaient répondre aux égarés. Khasatan al-mu'tazila, lakin ils ont délaissé la voie des salaf. هذا الباب إلى important. قال الشيخ سعدي رحمه الله باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات أصل الإيمان وقاعدته والتي ينبني عليها هو الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته. Ça c'est la base de notre دين. الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى c'est الرب عز وجل. C'est lui qui a tout créé. Voilà, chacun a le créateur, il a des noms et des attributs parfaits. S'il a créé, c'est qu'il a la science parfaite, c'est qu'il a la capacité, c'est qu'il sait tout. Il a créé. Celui qui a ses noms et ses attributs, هذا الرب العظيم جل وعلا يستحق العبادة. Il mérite d'être adoré. Ça, ça te montre أن الإيمان بالله c'est la base de notre dîn. قال وكلما قوي علم العبد بذلك وإيمانه به وتعبد لله بذلك قوي توحيده. Ça nous montre le lien entre Tawhid al-Rububiyya ou Tawhid al-Asma wa al-Sifat avec Tawhid al-Ibada. Et ça nous montre que Tawhid al-Rububiyya, ça ne suffit pas. Il y en a celui qui reconnaît que Allah c'est le Rabb et il a la conviction que هذا الرب عز وجل a des noms et des attributs, ça doit impliquer qu'il l'adore. Il, s'il ne l'adore pas, bah, c'est une hujja contre lui. قال فإذا علم أن الله متوحد بصفات الكمال متفرد بالعظمة والجلال والجمال ليس له في كماله مثيل. إذا سن قاعدة عند السلف أن ces noms et ces attributs نؤمن بها et en aucun cas on fait ressembler Allah عز وجل à la créature. قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لماذا؟ لأن البعض بكون أسيت هذا لأن بعض الضلال كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة لماذا ils ont rejeté les noms et les attributs أو certains لأنهم ils ont pensé que si on dit que Allah il a tel nom ou tel attribut ça c'est une ressemblance à la créature وهذا من الضلال. Allah il a des mains, est-ce que ces mains ressemblent aux mains des créatures? Là qui c'est qui a dit qu'elles ressemblent aux mains des créatures? Allah سبحانه وتعالى قال بل يداه, il a deux mains. Et Allah عز وجل قال ليس كمثله شيء, il n'y a rien qui lui ressemble. Enfin, on dit Allah, il a deux mains. C'est des vraies mains. Les annahu, il les a appelées mains, عز وجل. خاصةً quand les mains sont citées, في هذه الصيغة باليدا, أي مثنى, deux mains. Deux mains, tu ne peux pas expliquer par ni'ma. Est-ce que Allah, il a que deux ni'ma? عياذا بالله, لا. وما بكم من ni'ma فمن الله. Chaque ni'ma, ça vient d'Allah. Les ni'ma sont innombrables. Tu ne peux pas les compter. إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Est-ce qu'on peut dire que c'est le Qudra? Allah, il a deux forces. Allah, il a le Qudra al-Mutlaqa. Ça nous montre que c'est des vraies mains. Est-ce qu'elles ressemblent aux mains des créatures? Là. Donc, nous, en tant qu'Ahl al-Sunnah, on dit Allah, il a des mains. C'est des vraies mains. Elles ne ressemblent pas aux mains des créatures. Comment elles sont? Allah, Allah, il ne nous a pas informés. Aqidat al-Salaf, elle est très simple. Ahl al-Bida, ils ont compliqué. Et ils ont dit, si tu dis c'est des mains, tu l'as fait ressembler aux créatures. Là, abadan. Abadan. Khassatan yatanaqadun. Lianna. مثلا الأشاعرة يقولون que c'est pas des vraies mains, c'est la force, c'est la ni'ma إلى آخره. ويثبتون صفة الحياة لله عز وجل. يقولون que الله il a l'attribut de la vie. فنحن on va leur dire est-ce que vous faites ressembler Allah à sa créature? Ils vont dire là. Ils vont dire là. Allah il a la vie parfaite. فنحن on leur dit كذلك. Allah il a les mains parfaites. Elles ne ressemblent pas aux mains des créatures. وانتهينا. Pourquoi vous avez accepté هذا في صفة الحياة et vous le rejetez, ça montre le hawa. Et ça montre qu'ils ont délaissé les textes et ils ont fait passer l'aql avant. Mais هذا l'aql, leur raison, a ta'atharat bi bid'a al-mu'tazila wa ahli al-kalam ila akhir. Wa illa l'aql salim wa lillahi alhamd, il accepte. Allah il a des mains, Allah il descend, Allah il a un visage, ne ressemble pas aux créatures. وهذا tout ça les détails inshallah c'est fait كتب العقيده خاصه كتاب القواعد المثلى لشيخ ابن عثيمين ففيه فوائد كثيره في هذا الباب. قال رحمه الله ليس له في كماله مثيل وجب له ذلك ان يعرف ويتحقق انه هو الاله الحق وان الهيه ما سواه باطله فمن جحد شيئا من اسماء الله وصفاته فقد اتى بما يناقض التوحيد وينافيه وذلك من شعب الكفر وتقدم التفصيل quand est-ce que c'est du kufr akbar et quand est-ce que l'insan ayadan billah malgré cet égarement il sort pas de l'islam à cause de certaines shubah. هذا الباب il est مهم من جحد شيئا من الاسماء والصفات. Ça nous montre le lien entre الأسماء والصفات والإيمان والتوحيد. فكلما الإنسان اللي قوي في هذا الباب باب الأسماء والصفات فكنت الله سبحانه وتعالى لا شك أن إيمانه يبقى مونتي يلقى beaucoup plus de facilité à l'adorer et كذلك il comprendra encore plus pourquoi les créatures elles ne méritent pas l'adoration. Adorer un mort, il a été enterré ما ندري depuis quand, pourquoi l'adorer? Il n'entend pas, il ne voit pas, il n'a pas la capacité d'être utile pour lui-même. Et là, il serait vivant, il ne serait pas mort. Enfin, pourquoi lui demander? Et délaisser Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Qadir, Al-Karim, Al-Alim, Al-Alim, il est agri, pourquoi? Iyadam Billah. Hada al-bab, il est très très important. Naqra. Non, baqi ya shay min al-waqt. Naqra alladhi ba'dah, il est très simple, مختصر. قال باب من باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثه عن آبائي. وقال عون ابن عبد الله أما أثر مجاهد للصحيح وعن عون ابن عبد الله وقال عون ابن عبد الله رحمه الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. نعم هذا لضعيف أخرجه ابن جرير رحمه الله وفي إسناده الليث ابن أبي سليم. أثر عون رحمه الله لضعيف. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. هذا في تفسير ابن قتيبة رحمه الله تفسير غريب القرآن. هذا الباب il est très important كذلك. قال الشيخ الفوزان حفظه الله مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن المصنف راد بهذا الباب بيان وجوب التأدب مع الربوبية تجنبا الألفاظ الشركية الخفية كنسبة النعم إلى غير الله لأن ذلك ينافي كمال التوحيد. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. هذا الباب سنمدخلنا النعم كلها من الله وما بكم من نعمة فمن الله. فالواجب على الجميع سإضافة هذه النعم إلى الله. Si Allah t'a donné un enfant, c'est من فضله عز وجل وحده. Si tu as de l'argent, c'est من الله. La bonne santé, c'est من الله. أما إضافة هذه النعم إلى غير الله c'est من الشرك وسيأتي معنا التفصيل. قال On a lu les athars. وَنَقْرَ حُكْمُ الْبَابِ. Et c'est ça qui est important. Et le fait de dire, مَثَلًا une ni'ma. فَوَاحَدِ il dit, c'est grâce à Foulain. مَثَلًا il a trouvé du travail, c'est grâce à Foulain. Et il oublie de dire, c'est grâce à Allah. Ça y est, il y a un fort qu'on a si croit avec son cœur, là, qu'il oublie de le lire avec la langue. هذا فيه شيء من التفصيل. On lit كلام شيخ ابن عثيمين. قال وهذا القول من قائله فيه تفصيل إن أراد به الخبر. أي le fait de dire on répète c'est grâce à فلان. مثلا ils ont évité un accident et واحد dit c'est grâce à فلان لأنه il conduit bien. Vous avez compris. Le fait d'avoir évité l'accident, c'est une ni'ma, mais ni'ma illa azza wa jalla, c'est Allah qui les ahfad. Fahouwa yakoul, c'est grâce à un tel. T'as plusieurs cas. Iza arada bihi al-khabar, s'il veut informer, faqat. وكان الخبر صدقا مطابقا للواقع فهذا لا بأس به. Si c'est qu'une information, il dit مثلا أن فلان on a fait ça لأن فلان il a fait كذا إلى آخره من باب الخبر et le خبر il est صحيح فهذا لا بأس به. يا أكمل قال الشيخ ابن باز رحمه الله وليس المراد أن يقولها بقصد الإخبار لأنه لا بأس. أي quand c'est que pour informer لا بأس. Je dis, Matalan, j'ai eu telle chose, c'est grâce à Fulan. C'est même Bab al-Khabar, et c'est sahih, c'est lui le sabab. Qala al-Shaykh ibn Baz, an yukhbir bima bihada ala annahu sabab. Et bien sûr, sa aqida, anna, c'est un sabab, faqat. Lakin, il informe en citant le sabab, faqat. Et le khabar, il est sahih. Hada la, c'est khas, satan, de temps en temps. Ça arrive, hada. قال الشيخ بن باز بأن يقول ذلك غافلا قال بل أن يقول ذلك غافلا ناسيا المعنى أو المنعم الحقيقي أي المراد سكي انتغدي سد أبلي المنعم أي الله سبحانه وتعالى الله المنعم سلوك دن للنعم كذلك الغفلة هذا سد انتغدي. Donc le premier cas من باب الإخبار من باب الإخبار et min bab as-sababiyya annahu sa'sabab et c'est haqq fa hadha la ba's bih. Qal wa in ara wa in arada bi hadha as-sabab fa lidhalik thalath halat. Thumma il va citer trois cas isma. Qal al-oula an yakun ay on revient mas'alat as-sabab. Si قال أن يكون سببا خفيا لا تأثير له إطلاقا كأن يقول لولا الولي الفلاني ما حصل كذا وكذا فهذا شرك أكبر. Si il dit c'est grâce à un tel et في الحقيقة il n'y a aucun lien avec السببية أي c'est pas un سبب عيادا بالله مثلا son enfant il a été guéri ولله الحمد et il dit c'est grâce à Sidi Fulan qui a été enterré il y a des années. Est-ce qu'il y a un lien entre la guérison et Sidi Fulan? Abadan. C'est du shirk akbar. Limadha li'annahu al-an il a une aqida. C'est pour ça qu'il a dit c'est grâce à Fulan. Eh, il a une aqida. Fulan, c'est lui qui a guéri son fils. Alors que Fulan, il n'a pas de capacité. Il est mort. Hada shirk akbar. Et on l'a déjà vu beaucoup de fois dans les bœufs précédents. Deuxièmement. An yudhifahu ila sababin sahih thabit shar'an ou hissan. Deuxième cas. Il dit c'est grâce à Fulan. Et Fulan, c'est un sabab. Sahih. C'est vraiment un sabab, contrairement au premier cas. فَهَذَا جَائِزٌ بِالشَّرْطِ أَنْ لَا يَعْتَقِدْ أَنَّ السَّبَبْ مُؤَثِّرْ بِنَفْسِهِ وَأَنْ لَا يَتَنَاسَ الْمُنْعِمْ بِذَلِكَ. Deuxièmement, on est sorti du premier cas, on a dit c'était مِنْبَابْ الْإِخْبَارِ فَقَطْ. Amma huna, Cheikh ibn Uthaymeen, il cite les trois cas fi sabab. قَالَ, on répète, أن يضيفه إلى سبب صحيح ثابت شرعا أو حسا فهذا جائز بالشرط أن لا يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه. Tout ça on l'a vu dans les dourous précédents. Il sait que c'est un sabab et il le cite et il le cite pourquoi? Que parce que c'est un sabab. وإلا il sait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui, مثلا si on garde l'exemple de l'enfant malade, il a été guéri. Il cite le docteur qui a opéré cet enfant, il a arrêté. Et il sait très bien au fond de lui que ce docteur c'est un sabab. Ça aurait pu marcher et ça aurait pu ne pas marcher. كذلك قال شيخ المدمين وأن لا يتناسى المنعم بذلك. Et من المهم هنا c'est on n'oublie pas de dire أولا c'est بفضل الله عز وجل que cet enfant il a été guéri. ثم ولله الحمد ce docteur il a fait beaucoup d'efforts, il a arrêté. ولا يشكر الله من لا يشكر الناس. لكن on n'oublie pas المنعم et c'est là l'erreur de beaucoup. Et c'est pour ça que Cheikhul Islam il a cité هذا الباب. أن كثيرا من الناس ils ont un naqs في هذا. Une ni'ma qu'ils ont et ils disent c'est grâce à Fulan, c'est grâce à tel docteur, c'est grâce à mon salaire que j'ai fait, il a arrêté. Et yu'minun billah. Ils savent très bien que c'est Allah subhanahu wa ta'ala le mu'ti l'agri, lakin ils sont tombés fi ghafla ou en isyan. Ils parlent et ils ne citent plus Allah subhanahu wa ta'ala. هذا donc le deuxième. هذا لا يجوز. الثالث قال أن يضيفه إلى سبب ظاهر لكن لا يثبت كونه سببا شرعا ولا حسا. هذا نوع من الشرك الأصغر. نعم هذا كذلك لأنه سبب ظاهر لكن في الحقيقة il est pas lié à ce qui lui arrive. هذا لا يجوز. لا يجوز c'est du شرك أصغر. لكن le premier cas عيادا بالله سبب خفي مثلا un mort فلهذا العلماء يدين سجد الشرك أكبر، لأنه إلى عقيدة أن الصمغ يتصرف في الكون يبقى. أما لتخوازيهم سان سبب ظاهر لكن لم يثبت كونه سببا شرعا ولا حسا، قال فهذا نوع من الشرك الأصغر. إلى سيت الإكزام دو التولى on l'a vu. هذا مثلا s'accrocher une chose. On garde toujours l'exemple de la maladie. Un enfant, واحد, il lui accroche une chose autour du cou parce qu'il est malade. Et oui, il sait très bien que celui qui guérit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin, si tu lui demandes pourquoi il a accroché cette chose, مثلاً un petit livre avec des choses écrites, il a accroché, si tu lui demandes, فيقول, أن c'est un sabab. Il croit que c'est une cause. Et il sait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guérit. هذا, c'est du shirk asghar. كما تقدم. أما le premier cas avec le mort, est-ce que c'est un sabab ظاهر? أبداً. C'est quelque chose de khafi qui montre que هذا الشخص لا العقيدة. C'est pour ça qu'il dit c'est grâce à Sidi Foulan عيادم بالله. هذا التفصيل de الشيخ ابن عثيمين il est جميل. Il a fait une précision. قال ويدل لهذا التفصيل أنه ثبت إضافة لولا إلى السبب وحده بقول النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الشيخ ابن عثيمين l'a cité ce دليل pour démontrer أن le premier cas, vous vous rappelez, le fait de dire laoula, foulan, s'il n'y aurait pas foulan, il n'y aurait pas eu hada. Cheikh Ibn Uthaymeen, il a cité Ad-Dalil pour démontrer anna si c'est mimbab al-ikhbar, si c'est que pour informer, fayajouz. Même si Allah, il n'est pas cité, Azza wa Jal. Il a cité comme Dalil, qawl Nabi sallallahu alayhi wa sallam, laoula ana. S'il n'y aurait pas eu un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lakana fi d-dark al-asfali min al-nar. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا سبب. Et celui qui a épargné Abu Talib d'un châtiment plus dur, c'est Allah عزّ وجل. لكن هذا c'est من باب الإخبار. C'est pour informer فقط من جهة bien sûr السبب كما تقدم. Et on précise أن هذا ça arrive de temps en temps. لا شك. لكن غالب الأحوال أكثر الأحوال أن المؤمن il doit citer comme c'est cité dans beaucoup de hadith. Et beaucoup de abwab, ça ressemblera à hadal bab. Enfin, on s'habitue. Quand tu as une ni'ma, tu dis c'est bifadlillah. Tu dis alhamdulillah. Wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith. Ta'ammal hadi al-aya. Tu dois tatahaddath biha. Si ton enfant il a été guéri, tu dis alhamdulillah. Et quand tu informes, tu dis c'est bifadlillah azza wa jal. Thumma, si quelqu'un a fait un sabab, maintenant quelqu'un a payé l'opération, le docteur il a fait beaucoup d'efforts, l'hôpital ils ont bien accueilli, il a dit là, bah, tu cites hada. Min bab, tu reconnais le ma'rouf. Lakin, on n'oublie pas al-mun'im. Et on vit à une époque, anna kathiran min al-muslimin, ils sont fi ghafla. Ba'dhum, tu les trouves, ils citent des ni'am, et ça devient leur habitude, ils citent jamais Allah Azza wa Jal. Mon enfant il a fait telle chose, c'est لأن un tel il a fait, et il cite jamais Allah. Hada c'est un naqs kabir. Ça fait pas sortir de l'islam tant que l'insan il reconnaît que le mun'im c'est Allah, il a akhiré et il a pas une aqida yadam billah shirkiya. Ça fait pas sortir de l'islam, lakin ça montre un dhaf kabir fi at-tawhid. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه وأن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم نعم تقدم الحديث إلى في الصحيحين وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به ونعيفه التفصيل أي un tafsil qui ressemble à ce qu'on vient de faire dans le hadith à ceux qui pensent que la pluie elle est tombée grâce à telle chose, grâce au déplacement des étoiles, on avait fait attention. S'ils pensent que c'est un sabab, ça fait pas sortir de l'islam. Et s'ils pensent que c'est l'étoile elle-même qui a été là, qui a fait descendre la pluie, ay min dunillah, hada c'est du shirk akbar, walillahi alhamd, hada taqaddam. قال وقال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا. Hada, c'est un exemple. مثلا قوم, ils étaient en bateau, ils étaient en mer, et ولله الحمد, ils n'ont pas eu de problème. ويقولون كانت الريح طيبة, et le vent il était طيب, il n'y avait pas trop de vent, إلى آخره. والملاح حاذقا, الملاح c'est الذي يقود قائد السفينة, c'est celui qui conduit entre guillemets le bâton. Naam. Al-Mellah, il l'appelle, ça vient de le milh. Et le sel. Limada li anna, le bateau, il navigue, quand c'est en mer, il navigue sur de l'eau salée. C'est pour ça qu'ils ont pris le mot milh et ils ont dit Mellah. Hadiqan, c'est alladhi yuhsin. Yuhsin, al-shay alladhi yaf'alu. Al-mahir fi al-shay. Hadiq, c'est quelqu'un qui maîtrise ce qu'il fait. Hadha al-Mellah, il est hadiq. Vous avez remarqué que ils ont cette ni'ma, ils ont dit c'est le vent, ils ont dit c'est le pilote, il a akhiré, et en aucun cas ils citent Allah Azza wa Jalla. Qala wa nahwi dhalik mimma huwa jarin ala al-sinati kathirin. Cheikh l'Islam rahimahullah, il a conclu hadha al-bab pour démontrer anna kathir min an-nas, ils font ce genre de mukhalafa. Ce shirk asghar idafat an-ni'ma ila ghayri Allah, c'est un shirk fi al-lafz. Ils oublient Al-Mun'im. Et dans la plupart des cas, c'est du shirk asghar. Le cas qu'on a cité, shirk akbar, il est pas aussi répandu que shirk al-asghar. Qala Cheikh al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, on a déjà cité Al-Hukm Fayakfi. Khulasatul bab, on lit kalam al-Sheikh Sa'di rahimahullah. Qala bab, qawlillahi ta'ala, ya'rifuna ni'mat Allah. ثم ينكرونها الواجب على الخلق إضافة النعم إلى الله قولا واعترافا كما تقدم قولا واعترافا أي اعترافا بالقلب وقولا باللسان. Et ça montre أن celui qui est قوي التوحيد il n'oubliera jamais المنعم. Pourquoi, vous vous êtes déjà posé peut-être la question, pourquoi بعض الناس ils sont في غفلة عن هذا؟ لماذا؟ لأن il y a un ضعف في القلب, ضعف في الإيمان. L'insan, il est plongé d'aïman fi dunya. Il est loin du ilm. Il est loin du dhikr. Il est loin du Qur'an ou al-tadabbur. Il ne médite pas assez. La chacun a son cœur, il va durcir et il va oublier al-mun'im. Ma'a annahu, il reconnaît sa aqidah, c'est que c'est Allah qui donne. Lakin, il oublie et il ne le dit plus avec sa langue. Hada, c'est un naqs fi tawhid. Et c'est pour ça que Cheikh l'Islam, il a cité hada al-bab huna. قال وبذلك يتم التوحيد فمن أنكر نعم الله بقلبه ولسانه فذلك كافر. أما عيدا بالله celui qui croit que telle ni'ma c'est pas min Allah azza wa jal avec son cœur et sa langue, فهذا لا شك أنه سنكافر. هذا يحصل من الكفار أما المؤمنون أبدا. N'importe quel mu'min, même s'il est ignorant, même s'il fait des péchés, même s'il a une foi faible, si tu lui demandes cette ni'ma, est-ce que c'est min Allah? Il va dire na'am, la shak. Lakin ahyanan, quand tu lui poses pas la question et huwa, il le dit, il oublie. Matalan, il parle de tel argent qu'il a eu, il oublie de dire c'est min fadlillah et c'est bi idnillah azza wa jalla et c'est bi hawlillah wa quwwati. Il va dire c'est tel travail, c'est telle chose que j'ai faite, et il oublie al-mun'im. Wa illa al-kuffar aslan, ils reconnaissent pas anna hadhihi an-ni'am c'est min Allah. Et même si ba'dhuhum reconnaissent, يكفرون avec d'autres choses. قال ليس معه من الدين شيء ومن أقر بقلبه أن النعم كلها من الله وحده وهو بلسانه طارة يضيفها إلى الله وطارة يضيفها إلى نفسه وعمله وإلى سعي غيره كما هو جار على ألسنة كثير من الناس هذا يجب على العبد أن يتوب منه. أما si reconnaît أن النعم c'est من الله avec son cœur, لكن avec sa langue, خاصة كما قال شيخ سعدي أحيانا, أما toujours فسأل نقص كبير. أما صعيب, هذا صعيب عند كثير من الناس أن أحيانا نسيت النعمة ولا يذكرون الله, فهذا سأل نقص. تقدم معنا أن من باب الإخبار, مجرد الإخبار que pour informer de temps en temps, هذا لا بأس. أما toujours فلا الإنسان يسابتوا بقى هذا. قال وأن لا يضيف النعم إلا إلى موليها وأن يجاهد نفسه على ذلك ولا يتحقق الإيمان إلا بإضافة النعم إلى الله قولا واعترافا. تأمل قوله لا يتحقق, أي celui qui veut que son إيمان il augmente, il est obligé أن يضيف النعم إلى الله سبحانه وتعالى avec sa langue et avec son cœur. S'il ne fait pas avec sa langue, فلا شك أن son إيمان il est faible. Il est faible et il est fi ghafla. Ça arrive beaucoup, hada, arrive beaucoup hada inda kathir min an-nas. Mathalan, il y a eu une ni'ma dans telle bilad min hayth al-filaha, les fruits, les légumes, ila akhri, et tu trouves le ba'd da'iman, il parle que du temps. Il y a eu la pluie, c'est pour ça qu'on a eu wa yudhifuna cette ni'ma que à la pluie, et ils oublient celui qui a fait descendre cette pluie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala bi'idnihi wa qudratihi. Na'am. Wa illa fa Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de donner toutes ces ni'am sans pluie. Et na'am. Wa ta'ammal qissat Maryam radiyallahu ta'ala anha. An Allah subhanahu wa ta'ala lui emmenait son risque sans aucun sabab. Elle trouvait d'animer son risque bi'idnillahi azza wa jal. Face à ça, ça nous montre anna sabab, ça reste un sabab. Et on n'oublie pas رَبُّ الْأَسْبَابِ جَلَّ وَعَلَى قَالَ فَإِنَّ الشُّكْرَ الَّذِي هُوَ رَأْسُ الْإِيمَانِ مَبْنِي عَلَى ثَلَاثَةِ أَرْكَانِ اِعْتِرَافُ الْقَلْبِ بِنِعَمِ اللَّهِ كُلِّهَا عَلَيْهِ وَعَلَى غَيْرِهِ. هذا الكلام الجميل المفيد أن الشكر être reconnaissant. Pourquoi est-ce que le شكر؟ لأنه في باب النعمة. استفدنا pour récapituler jusqu'ici, استفدنا أن النعمة c'est من الله. Donc on doit dire أن cette نعمة est من الله. Et on a le droit de citer le sabab. On a le droit de citer le sabab, mais on n'oublie pas de citer Allah subhanahu wa ta'ala qui a facilité ce sabab. Thumma, par rapport à cette ni'ma, le mu'min labud an yashkur Allah subhanahu wa ta'ala. Falihada qala fa inna shukr, al-shukr c'est être reconnaissant, ne pas oublier al-khayr. Alladhi huwa ra'sul iman mabni ala thalathati arkan. Al-Rukn, il est fondé sur trois piliers. Et pour montrer l'importance de Hada Shukr, Cheikh Sadi Rahimahullah, il l'a comparé à la tête par rapport à l'Iman. Al-Iman, il a une tête et cette tête, c'est Al-Shukr. Qala, donc, il est fondé sur trois piliers, Hada Al-Shukr. Le premier est I'tiraful qalb bi ni'amillahi kulliha alayhi wa ala ghayri. Hada Al-Rukn, c'est un Rukn qalbi, c'est dans le cœur. Comme قال عز وجل وما بكم من نعمه فمن الله. Chaque ni'ma c'est min Allah. فالمؤمن لابد يعترف بقلبه que cette ni'ma c'est min Allah. On fait attention de ne pas oublier. On fait attention de ne pas yadam billah manquer de shukr. Le deuxième pilier والتحدث بها والثناء على الله بها واما بنعمه ربك فحدث. Deuxième pilier ay tu évoques Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu le cites, anna cette ni'ma c'est bifadlillah. Et tu informes les gens que tu as eu cette ni'ma bifadlillahi azza wa jal. Pourquoi tu les informes? At-tahadduth bin ni'ma, ay c'est min bab al-shukr. C'est pour ça qu'ils l'ont cité en deuxième pilier. Troisième pilier, al-isti'anatu biha ala ta'ati al-mun'im wa ibadatihi wallahu a'lam. Troisième fondement de al-shukr, troisième pilier, c'est que cette ni'ma doit t'aider à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amma, une ni'ma que Allah t'a donnée, et tu t'en sers, tu utilises cette ni'ma pour désobéir, iyadan billah, pour ne pas te soumettre, pour ne pas avancer, vidinillah, fahada c'est min kufr hadihi ni'ma. Et c'est très très grave. Falihada, al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الله لو أتوب بعضني سبشي. C'est une ni'ma عظيمة على النبي صلى الله عليه وسلم. Quand النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصلاة وليلة من الليالي tellement qu'il a fait الصلاة انتفخت قدماه. Ses pieds, ils se sont enflés tellement qu'il a fait القيام. فعائشة رضي الله عنها elle a dit au prophète صلى الله عليه وسلم لماذا? Pourquoi tu fais autant d'efforts, tu restes autant debout et regarde ce que ça t'a fait. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أفلا أكون عبدا شكورا. Ça vous montre أن plus l'insan reçoit une ni'ma, plus il yashkur Allah subhanahu wa ta'ala. فالنبي صلى الله عليه وسلم malgré qu'Allah lui a tout pardonné, c'est celui qui faisait le plus d'efforts عليه الصلاة والسلام. لمن باب ماذا من باب الشكر. وهذا celui qui حقق ces trois يعترف بالنعم, que ce soit l'ilm, que ce soit la bonne santé, qabla dhalik, la guider, l'islam, et yatahaddath biha, quand il en parle, li anna Allah il lui a donné cette ni'ma, wa yudhif hadhihi an-ni'ma ila Allah, il reconnaît que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et il informe avec sa langue, Et كذلك, cette ni'ma est sincère pour adorer Allah Azza wa Jal, que ce soit de l'argent, que ce soit la bonne santé, que ce soit la tranquillité, le temps libre, la akhirah. C'est akmal hal. C'est la situation la meilleure pour le mu'min. وَاللَّهُ أَعْلَمُ كَمَا قَالَ الشَّيْخُ سَعْدِي رَحِمَهُ اللَّهُ. هذا الباب, il est très simple. Et beaucoup de abwab, à partir de ce bab et jusqu'à la fin du livre, beaucoup de abwab, ça sera sur al-alfad. Et beaucoup, on verra, c'est du shirk asghar. Ça peut être du shirk akbar comme notre sujet d'aujourd'hui, lakin al-akthar et la base, c'est que c'est du shirk asghar. De dire, mathalan, c'est grâce à un tel. Et oublier al-mun'im, bien sûr, avec tous les détails qu'on a cités. نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.